Ziba c'est Fun Radio. Et voilà, vous venez d'écouter Underbar avec Velle Brunnesplip. Donc Max, il vous l'annonçait. Il vous l'annonçait juste avant la pause. Donc bonsoir à tous. Bonsoir Manu. Bonsoir Gérard. Bonsoir Fildar. Bonsoir bébé. Bébé, hein. Et bonsoir à Karine. Et bonsoir à Karine. Et bien sûr, bonsoir au Star System. Pour la deuxième fois. Tu ne peux peut-être pas t'en souvenir, mais on s'est vu il y a trois minutes. Ouais, mais même par politesse, on redit bonsoir. Donc, on accueille Fanny. Oui, allô. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Gégé. On accueille Aphrodite. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir. Petite friandise. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Slob. Salut, Gégé. Et Abushimashi. Et à bouche aussi. Bonsoir GG, bonsoir le Star System, bonsoir Hélène et Anne. Pardon, bonsoir Hélène, bonsoir Anne, tu peux... Bonsoir. Donc, on connaît pas de ces noms-là. Ah bon, désolé. Pardon. Ok. Donc, premier débat, ça va partir sur les, sur les bijoux. Ouais. Oh ouais. Donc, alors, possédez-vous des bijoux? Fanny. Oui. Ben, moi, c'est beaucoup d'or, pas de l'argent. Oui. Et surtout pas le plastique. T'as déjà vu des bijoux en plastique? Ouais. Ouais, des bagues à 3 balles, là. Ouais, à 3 balles, 3 sous. Comme celle que t'avais, Gérard, te rappelle, au doigt? Oh, ouais, comme Karina, là. Comme toi aussi. Non, moi, c'est pas du plastique que j'ai sur la main. C'est 10 balles, ça coûte 10 balles. Ouais, non, mais... Bon, on s'en fout de ce que j'ai sur la main. Non. Oui. Slob. Oui, ben, je t'écoute. Bah alors moi, j'avais plein de bijoux, mais je les ai tous perdus à la mer. Mais comment t'as fait pour les perdre? Bah, c'est-à-dire que quand tu vas te baigner, tu ressors et en fait, ils ne sont plus et tu fais pas attention. Déjà, une pour commencer, en principe, tu peux pas te baigner avec des bijoux. À la mer, si, mais bon, faut faire attention à ces bijoux, quoi, mais bon... Ouais, mais t'as certains bijoux. Je vois ce que tu veux dire, les bijoux de famille qui sont dans... Si, t'as les bijoux de famille qui sont entre les jambes. Ça, on appelle ça les bijoux de famille. Je suis désolé, on appelle ça des bijoux de famille pour les nanas avec qui on vit. Attends, je regarde. Non, c'est bon, c'est encore là. Bah ouais, ben, tant mieux pour toi. Ouais. Oui. Moi, j'aime bien les bijoux en argent, tout ce qu'en argent, surtout les bagues... Surtout celle que Max a au pouce, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a quand même un problème là-dessus, je pense que ça doit être pour les nanas même. Je pense que c'est plus pour les nanas. Est-ce qu'il n'y a pas de l'allergique sur ça? Ah non, moi personnellement, non. Pour les bijoux en plastique, si. Non, mais des bijoux en plastique, tu peux pas avoir une allergique aux bijoux en plastique. Si, ça fait des boutons, ouais. Non, en principe, c'est pas les bijoux en plastique, c'est plutôt du plaqué or qui font des boutons ou autre. Si tu veux. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, petite friandise une fois, petite... Oui, c'est bon, ça. Tu te réveilles, s'il te plaît, merci. Oui. Écoute, je suis la castafiore, moi, j'adore les bijoux. J'adore baigner dans les bijoux. J'adore les bagues, les bracelets, les rats de cou, les gourmettes, les boucles d'oreilles, tout ça. Et j'adore ça. Et voilà, quoi. Et alors? Ouais, Gérard. Oui. Donc voilà, quoi. Ah, c'est tout? Bah, écoute, je sais pas, mais moi, j'aime bien... Tu connais Place Vendôme à Paris? Merci, je connais Paris. T'as pas besoin de citer les places. Ouais, ben, Place Vendôme, c'est... Ah, de marque. C'est mon coin préféré. Là-bas, j'achète... Ouais, t'achètes toutes les saloperies qui se vendent pas cher. Mais Gérard, tu connais Place Vendôme? Je viens de te dire oui. Tu as pas commencé à me les gonfler. Oh, t'as dit oui. Ok. C'est là où il y a les puces, non, Gérard, Place Vendôme? Ouais. Non. Bah, là où il y a les puces, c'est du côté du... C'est sur les... Mais bien sûr, sur Rennes. Toi, tout à l'heure, tu vas faire sur Rennes, tu vas rentrer chez toi si tu te réveilles pas. Puis vous allez couper un peu les sons des radios parce que ça commence à être pénible un peu, là. Gérard, excuse-moi de te déranger, on accueille donc un nouveau, c'est Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Thierry. Total respect. Bonsoir, Mesdemoiselles. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, alors, je crois comprendre que c'est un sujet sur les bijoux, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais savoir, Monsieur Thierry, votre opinion en ce qui concerne les boules de geisha. Non, il n'y a pas de Monsieur Thierry. Il n'y a pas de Monsieur Thierry. Je suis navré, mais le garçon standard m'a dit Monsieur Thierry, donc... Peut-être bon. Thierry. Bon, oh non, non, là, ça commence à bien faire, là, il y a un c'est pas possible. Ça me fait bizarre. Là, alors, on a un... Alors, que vous répondez tu réponds à la première question, Mazur, ou pas du tout? Oui, écoutez, je ne sais pas, on m'a dit, c'est un débat sur les bijoux, j'ai une question à poser sur les boules de geisha, je voudrais simplement avoir votre opinion. De quoi? Votre opinion. Sur ta question. Sur les boules de geisha. C'est quoi, ça? Des boules c'est de quoi, ça? Oui, oui, eh bien, n'est-ce pas, c'est un bijou national japonais, comme tout le monde le sait. Oui. Non, mais ça, je vois pas le rapport avec les bijoux qu'on porte au doigt. Ah, bah écoutez, on ne les porte pas, les boules de geisha ne se portent pas au doigt, mais je peux vous garantir que ce sont des bijoux, Monsieur Thierry. Non, mais je m'appelle pas Monsieur Thierry, d'accord? Merci. Allô? Oui, non, bonne nuit. Allô? Allô? La bouche, merci. Est-ce que je pourrais répondre à la question? Oui. Alors, moi, je suis fils d'un grand émirat arabe. Et si tu veux les bijoux, j'en ai partout chez moi et je sais pas quoi en faire, à vrai dire. Ben, tu les revends pour faire du fric, hein. C'est tout ce que je peux te dire. Je vais les revendre et j'en ai toujours. Et mon frère, il s'appelle Dodi Al-Fayed. Bon, alors, c'est bon, celui-là. Quoi? Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a dit, Gérard? Non, mais on commence pas à s'amuser à citer. Non. On dit frère, mais en fait, ça veut dire en fait très proche ami. Ouais, non, mais ça. Il n'y a pas de lien de parenté, en fait, si tu veux. Ah oui. Ouais, mais faudra peut-être pas commencer à jouer là-dessus. C'est un peu comme les galeries Al-Fayed, alors. Voilà, c'est la même chose, en fait. D'accord. Bon, alors, Fildar, s'il te plaît. Tu veux. Fildar. Fildar. Il écoute pas l'émission. Non, mais lui, je crois que. Monsieur Thierry, vous n'avez pas répondu à mes questions concernant les boules de geisha. Je voudrais simplement avoir. Bon, Fildar, pour. Bon, Fildar, tu as déjà commencé à dire à Thierry, à Abou de Machi, il n'y a pas de nommé Thierry ici, d'accord? D'accord. Donc, tu commences à les camer tous les deux. D'accord. Ça va vite commencer, parce que si vous voulez que ça se termine bien, ouais. Alors qu'on ne commence pas à s'amuser sur des conneries. Ah, mais c'est d'accord. Sûr. D'accord. Gérard. Oui, c'est qui? C'est Slob. Oui. Est-ce que tu as des bijoux, toi? Jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'en porter, mais je suis allergique à certains bijoux. Alors, parce que j'ai une bague au doigt, non? Oui, mais j'ai une bague au doigt, mais. Non, Sandy. Hein? Sandy. Sandy, oui. Pardon, merci. Oui, Sandy, elle a une bague au doigt. Oui. Comme elle est baguée comme les pigeons. Gérard. Oui. Gérard. Oui. Ouais, tu lui as offert quoi comme bijoux à ta femme? Des bijoux de famille. Non. Des bijoux de famille. Non, le. Des boules de geisha. Voilà, alors. Justement, est-ce que votre amie Stéphanie est intéressée par les boules de geisha, monsieur Thierry? Bon, déjà, une, monsieur Mazur. Il n'y a pas de Thierry, il n'y a pas de Stéphanie, écoutez, d'accord? Alors, bonne nuit pour vous. Non, mais, attendez, désolé, non, je suis absolument navré au standard. On me dit, l'animateur s'appelle Thierry, je suis complètement respectueux, je vous vois. Non, ça m'étonne pas de Fildar, donc Fildar, tu... Mais pourquoi Fildar tout de suite? Manier. Qui c'est qui s'amuse, là, avec un truc? Ah, je crois reconnaître le son de boules de geisha, elles ont un son... Non, non, tu... Un son métallique. Oui. J'ai une question. Oui. Des petites friandises. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que les bijoux d'hommes sont plus excentriques que les bijoux de femmes? Comment ça? Est-ce que tu penses que c'est... Bon, qui c'est qui s'amuse avec ce bordel, là? Ouais, dis donc, qui c'est, là? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de fantaisie, il y a plus de... Il y a plus de sentiments, il y a plus de choses? Comment? Mais dans quel sens? Pourquoi? Non, il n'y a pas des pourquoi, d'accord? Gérard, bon, qui c'est qui s'amuse avec son tatou, là? Pourquoi? Bon, Je suis en train de voir qui c'est Gérard. Je ouais, pas... t'es en train de voir, tu t'occupes parce vachement que... du standard, toi. De manière, tu fais les deux débats au standard, ça va t'apprendre. Parce que je crois que les bijoux, c'est un débat de fond qui est, ma foi, très intéressant. Je propose de recadrer un peu le débat. Je crois, oui, je suis d'accord avec idée, monsieur. Gérard, tu m'as répondu? Ben moi, j'arrive pas à comprendre ta question, déjà, pour commencer. D'accord, je te répète, est-ce que tu penses les bijoux que portent les hommes? Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus excentriques que ceux que la femme porte? Mais non, mais... Ah, mais attendez C'est parce que tu penses que... Allô? Bon, fil d'art. Tu prends ta place et tu t'écrases un peu, s'il te plaît. Quoi? Tu prends ta place, là. C'était moi. Je suis pas avec ma mère, moi. Fais ton débat, Gérard, allez. Ouais, mais ta mère, on en a rien à foutre. Gérard, j'ai un petit sondage pour alimenter ton débat. On nous dit que 85% des gens n'ont qu'une alliance comme bijou, que 10% des gens mettent l'alliance au majeur et que 5% préfèrent alliance ethnique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais là, on va pas commencer déjà avec des sondages bidons. Non, non. Monsieur Thierry, vous souffrez? Bon, Mazur, ça suffit. Gérard. Ça commence à bien faire. Réponds à la question, toi, Gérard. Bon, moi, de manière, est-ce que je possède des bijoux? Bon, ben, pour l'instant, je peux dire que oui, parce que Sandy m'a acheté des colliers, donc je les ai pas mis ce soir. Gérard, Antipus. Non, avec son nom, la petite boucle, pour pas qu'il se perde. Gérard. Ils sont comment, tes colliers? C'est des colliers comme un lala. Ah, d'accord. Okay. Y avez-vous tenté le bijou Prince Albert, monsieur Thierry? Ouais, il n'y a pas de monsieur Thierry Mazur, ok? Vous vous trompez, monsieur. Monsieur Mazur. Bon, alors, monsieur Mazur, vous dégagez, vous me faites pas brère. Bonne nuit à vous. Allez, au revoir. Voilà, bonne nuit. Je comprends pas. C'est un débat sur les moutons ou sur les bijoux, il faut savoir. Non, sur les vaches. Ah bon, bah écoutez. Non, mais Gérard. Quoi? C'est snob. Ouais. Ouais, sois pas agressif, j'ai rien dit. Non, mais c'est pas toi. Excuse-moi, alors. J'écoute ta question. Gérard? Bon, Snob, tu veux poser une question? Tu réponds, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que vous me faites, là? Gérard, Stéphanie. Oh, tu m'écoutes? Ah ouais, mais arrête de les couper, parce que toi, tu as dégagé, tu vas faire ton bordel de l'autre côté, toi. Tu vas voir ton studio, là, à côté. Gérard, on va peut-être reprendre... Ouais. Non. Quoi, non? Bah non, mais j'ai ma question, moi. Monsieur Gérard, continuez votre débat. Reprends les auditeurs dans l'ordre et avance parce que là... Qui se calme. L'autre, là, tu vas me le calmer. Non, mais vas-y, reprends. Donc, Fanny, t'as répondu à la première? Ouais, mais j'ai une question pour toi. Alors, vas-y. Pour certaines personnes, leur corps est un bijou. Tout à fait. Ils mettent des piercings. T'en as, toi? Non, mais ça, la question des piercings... C'est des bijoux, hein? Ouais, mais on va y venir au fur et à mesure, ok? Ok. Bon, alors, Aphrodite. Oui. T'as répondu? Oui, j'ai répondu. Petite friandise. Oui. Pareil, t'as répondu? Ouais, j'ai dit que je suis la Castafior. D'accord. Sleb? Ouais, j'ai répondu, mais j'avais une question et tu m'as pas laissé poser ma question. Bah, dis. Alors, c'est le... Que Sandy t'a offert. Bon, alors, Fildar, tu déconnes. Fildar, tu dégages, je veux plus te voir. Allez, hop! Il a rien fait, Gérard, c'était moi. J'ai coupé l'insert et j'ai pas fait exprès, désolé. Donc, alors, répète ta question pour la dernière fois. Encore? Mais je vais pas faire que répéter, hein. Bon, allez, hop, c'est bon, t'as... Abou Chami, là. Abou Chami, j'ai répondu à la question, déjà. Ouais, Mazur? Alors, moi, je souhaiterais à Monsieur Gérald de savoir ce que vous pensiez des boules de geisha. Gérald, on en a rien à foutre, ok, bonne nuit. C'est un bijou comme un autre. Je ne comprends pas pourquoi, si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, hein, c'est pas... Alors, moi, je voudrais bien poser mes questions, donc vous fermez un peu votre clapet, et il n'y a pas de Monsieur Thierry, ok? D'accord? Et puis là, tu vas t'occuper un peu plus du standard comme il faut, parce que sinon tu vas gerber. Absolument. Oh, Gérard, ta gueule! Moi, je t'emmerde, pétasse. Gérard, n'hésitez pas à la casser, celle-là. Ouais, bah, t'insulte pas, t'essayes de savoir qui c'est qui s'amuse à passer sur les jambes, ok? Non. Ne vous laissez pas faire, monsieur Gérard. Ne vous laissez pas faire, exactement, monsieur Donc, Gérard. Donc, dépensez-vous. Bon, Gérard, continue. Oh, Gérard, ta gueule! Pilar, tu vas te manier de t'occuper du truc. Ouais. Dépensez-vous de l'argent. Allez-y, monsieur Girard, posez votre question. Je m'en fous, j'ai jusqu'à 5 heures, je peux faire des blancs. Ah non, pas de blancs. Alors tu choisis qui c'est qui s'amuse à faire le con et c'est tout. Choisis au pif. Non, mais il n'y a pas de tu choisis au pif, tu essayes de savoir qui c'est, d'accord? Bon, 2 secondes avant, Girard, avant de recommencer, on a Slub est parti, on accueille TT7 à la place. Non mais attends, Snob il était mieux que les deux autres caves de pain. Bah oui, mais il devait partir. Ah bon? TT7. Bonsoir. Et c'est pas TT7, c'est PP7. Ah, PP7, pardon. Ouais. Bonsoir, Fildar. Donc, bonsoir, Star System. Bonsoir. Et bonsoir, Gérard, et bonsoir, Apprenti. Tes débats, ils sont inintéressants. C'est long. Alors, aimez-vous, dépensez-vous de l'argent pour un bijou de valeur? N'importe quoi. Le débat a démarré, là. Bon, alors, le débat, il a démarré. Ah, où tu vas te réveiller? Non, mais monsieur Girard. Où tu vas te casser? Je vous n'importe écoute. N'importe quoi. Alors, si ça plaît pas, celle qui dit n'importe quoi, tu dégages, tu raccroches ton téléphone et tu m'emmerdes pas. Oh, tu peux pas poser ta question, Gérard? Oui. Ah, c'est à chier. Bon, Fuldard, tu te démerdes. Mais c'est qui? Je sais pas. Tu te démerdes. Je pas sur les autres. Tu te démerdes, comme tu veux. Je vais trouver, continue. Donc, je reprends la question. Dépensez-vous de l'argent pour un bijou de valeur? On va demander à Fanny. Moi, non, on me les offre. D'accord. Et... La bouche. Gérard, ta gueule. La tienne, pétasse. Gérard, t'insulte pas. Pas de... Non, mais attends, dans ce cas-là, l'autre, il fait son boulot comme il faut, il dégage du studio. Pas de marque. Non, Gérard, tu... ta gueule. Ah, j'ai coupé. Oh. Bien joué, Fildar, sur le coup. Merci. Numéro 1. Bien joué. Donc, Fanny. Ouais, j'ai répondu. Donc, Aphrodite. Moi, on me les offre, c'est pareil, quoi, les bijoux. Ouais, mais ça me dit pas qui c'est qui vous les offre, hein, parce que c'est bien de dire, de reprendre constamment la question qu'on vous pose. C'est des amis, un anniversaire par exemple. Moi, c'est mes chéris. Mm-hmm. C'est mes hommes qui me les offrent. D'accord. Petite chérie? Oui. Petite friandise? Oui, mon petit chéri aussi, petit chéri. Oui, écoute, moi c'est simple, à chaque fois que j'ai envie de me faire un petit plaisir, je fonce dans un magasin de bijoux et puis je m'achète ce que je veux. Donc voilà, quoi, je m'achète des colliers, des bagues ornées de pierres précieuses. Et puis, Tout à fait, oui. Joyeux anniversaire. Gérard, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui se passe? Joyeux anniversaire. Non. Bon, PC7. Joyeux anniversaire, monsieur Girard. PC7. Bon, tu réponds à la question ou pas? Ouais, surtout hors saison, on peut trouver des bijoux, mais beaucoup moins chers. Il m'est arrivé, moi, par exemple, quand je suis parti, c'est rare hein, que je pars avec un ami à la pêche au crabe cet été en avion. Et on a trouvé un bijou, mais on ne sait pas du tout la valeur. Mmh. Alors, on va savoir pourquoi il n'a pas de valeur actuellement, je sais pas. D'accord. Est-ce que toi, sur photo, si je t'envoie la photo, tu pourrais me dire d'où l'origine et pourquoi, quel rapport peut-être avec le crabe et son prix? Non, mais attends, je vois. Allez Gérard, montre-nous tes fesses. Allez Gérard, montre-nous ton cul. Donc je te disais, est-ce que ça a un rapport avec le crabe? Je te préviens, Pildar, où tu fais ton boulot comme il faut. Voilà. Bah, où tu fête, fais hein. ton boulot comme il faut, monsieur, je m'arrache pour de bon. Pardonnez-moi, monsieur Girard, s'il vous plaît. Quelles sont ces personnes qui vous demandent de montrer votre postérieur? Vous, pour l'instant, vous la fermez, je vous ai pas appelé pour Gérard. Gérard, excuse-moi, il y a une question Minitel. C'est Max Biaggi qui te demande, qui nous dit que pour aller en boîte, tu te mets des CD autour du cou. Une liste de bijoux, est-ce que c'est vrai? N'importe quoi. Oui, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de vérifier. Monsieur Girard porte bien plein de CD autour du cou lorsqu'il va à la loco. Qui? Monsieur Gérald. Non, mais qui confirme? Comment? C'est Abouche. Enfin, vous pouvez m'appeler Mohamed si vous voulez. Je rappelle. Mais à part ça, moi j'ai toujours pas eu ma réponse, GG. Ben, moi je peux te dire qu'une chose, que ça dépend des bijoutiers, combien que tu les as achetés. Ah oui, non, mais d'accord. Mais il n'y a pas de commande derrière, ok? D'accord, mais. Non, mais c'est peut-être d'accord. Mais. Pourquoi? Environ 1500 francs. Bon, Fuldard. Ouais. C'est la quatrième fois que je te le dis. Ou tu me fais un standard bien potable ou tu dégages. Ok. Donc, monsieur Mazur. Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai pour habitude de fréquenter les grands bijoutiers de la place Vendôme. Mais la dernière fois que j'ai acheté un bijou à ma femme, n'est-ce pas, j'ai dépensé 1,75 franc. Vous savez, ces gentils petits colliers ornés de bonbons de forme ronde. Ouais, avec Mazur, ils sont deux derrière toi. Allô? Donc, moi je crois pas trop que Mazur ça commence avec un M. Non, ça commence avec un quoi alors? Ah, mais c'est, tu vois, mais on dérive, là, on parle des bijoux et lui, il nous parle. Oui, bah écoutez, non, je suis absolument désolé, non, mais j'ai le droit, j'ai tout autant le droit de m'exprimer. Ça pue la transpi. Ah, l'odeur d'Adidas, c'est désagréable. Et puis elle, de toute façon, elle a une voix de pétasse. Oui, alors je suis bien d'accord. Là, au standard. Je suis vraiment bien d'accord. Mais, excusez-moi, mais j'ai tout aussi le droit de m'exprimer sur les colliers. Ah, bah dégage. Dégage, ça vaudra mieux. Que ce monsieur qui a. Vraiment être con pour aimer Sardou, hein. Ouais, non, mais d'accord, Sardou, ok, les bijoux, ouais, mais Mazur, il dégage. Mais attendez, je vois pas pourquoi j'irais m'en aller. Moi, je suis tout à fait dans le sujet. Gérard, tu pourrais reprendre les commandes du débat, Gérard, s'il te plaît. Mazur, tu te tais, s'il te plaît. Gérard, écoutez, je suis... Mazur, tu te tais. Mazur, tu te tais. Gérard. Oh, vous vous calmez, s'il non, vous plaît. Autour du cou, il y a de jolis colliers. Bon, Mazur, dors. Tout de suite, on parle des couilles, ouais. Gérard. Celui qui s'amuse avec sa musique, il arrête, parce que ça commence à bien faire. Ça doit être Monsieur Mazur, ils sont deux. Gérard. Derrière. Mazur, qui c'est qui parle, là? C'est Petite Friandise. Vas-y. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Mazur? Mais oui. Je voudrais savoir votre question parce que j'ai rien compris à votre question. Non mais c'est les... Alors la question justement, moi je posais la question. Non mais Mazur, je voulais effectivement savoir si pourquoi est-ce que on me disait de dégager alors que j'étais complètement dans le sujet alors que le monsieur qui a parlé de crabe. Mais ça n'a rien à voir, vous êtes deux derrière. Expliquez-nous. Eh bien tout à fait, moi j'avais démarré justement avec l'exemple des boules de geisha et je pense que c'est un sujet vraiment intéressant. J'attends d'ailleurs la réponse de Monsieur Girard. Et... Bah vas-y, j'ai répondu lui. Les boules de geisha, Monsieur Girard. Non mais déjà, celui qui met de la musique, arrête. Ça commence à me prendre la tête. Monsieur Girard, les boules de geisha, s'il vous plaît. Les boules de geisha, j'en ai rien à foutre, t'es collier à deux balles, là, c'est des trucs... Oh putain, tu la fermes maintenant, s'il te plaît, merci. Bon, Monsieur Girard, c'est à vous, je m'achille, là, je commence à m'énerver, là. Est-ce que je pourrais répondre à la question, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, il y a quelqu'un, là? Tu gères un peu le débat, Gérard? Ouais, non, mais toi, tu as géré que celui qui s'amuse à mettre de la musique arrête un peu, parce que ça commence à me gonfler. Je ne vais pas jurer jusqu'à 5h du matin. Dans Gérard, d'accord, tu as géré. Voilà, c'est quoi, ça? Hé, hey, GG, c'est PP7. T'entends quelque chose, celui-là? Je peux te demander... Non, mais vous entendez rien. Arrêtez. Tu veux... Quoi? Je t'ai dit, tu fais les deux débats, tu vas faire quelque chose de botable ou pas? Mais c'est pas moi, j'ai rien fait, j'entends rien, il y a rien du tout. Tu as envoyé un disque? Ah bah non, pas tout de suite, on peut pas. Si, t'envoies un disque. Bon. Monsieur Gérard. Non, pour l'instant, vous allez réfléchir. Tu vas poser ta question, ils vont y réfléchir, on va envoyer le disque. Aimez-vous les femmes à bijoux? Voilà, à quoi? Les femmes à quoi? Les femmes à bijoux! Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ça veut dire quoi? Explique avant d'envoyer les disques. Explique-leur la question, comme ça, ils pourront bien réfléchir. Tu connais pas les femmes qui ont des bijoux, toi? Non. Des bijoux de famille aussi? Oh putain, mais t'es complètement... Ça, c'est des travelots, toi. C'est des travelots, Gérard, hein, ça. Ça veut dire quoi, alors? Qu'est-ce que c'est, une femme à bijoux? Une femme à bijoux, c'est celle qu'on porte constamment sur elle. Ouais. Et toi, tu dégages. Putain, je veux plus te voir. Je vais où, à la SPA? Ouais, tu as la société protectrice des animaux, tu vas aller rejoindre ton alligator. Allez hop. Bonne nuit pour toi. Gérard, peut-être que tu vas rappeler les numéros où les auditeurs peuvent te joindre et le Minitel aussi. Donc alors, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio rubrique direct et on met ça. Ah ouais, on met ça. Ça c'est ça avec les underground. Voilà, c'était Mickey Dassy avec un petit burin pour un caca dur. J'espère que c'était le bon parce que avec toi au standard, c'est pas évident. Donc on récupère Fanny. Fanny une fois, Fanny deux fois. Merci Manu de mettre les... Pardon. C'est Fanny. Donc Fanny. Oui. Okay. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir GG. Aphrodite. Oui, rebonsoir. Petite friandise. Bonsoir. PT7. Il n'y a plus PP7, c'est Start à la place. De quoi? C'est plus PP7, c'est Start à la place. Bon, Fildar, s'il te plaît, c'est quoi ce bordel là? Ah, j'ai oublié de te l'annoncer, excuse-moi. C'est Start. Start. Ah, d'accord, mais il faudrait peut-être le préciser. Bah, il y a précisé, Start, c'est mon nom. Donc, Abou Chami. Abou Chami, oui, bonsoir Gérard, je vous entends. Et Mazur. Bonsoir, monsieur Béjar. Bon, Mazur, tu as déjà commencé par m'appeler Gérard, tu as te calmer un petit peu. Ah, excusez-moi, vraiment, je suis navré, j'ai cru que votre nom était Thierry Béjart, n'est-ce pas, comme le Bon, docteur. Alors, je crois que... Non, mais ça... autant pour moi, ne vous énervez pas, autant des erreurs, ça arrive. Gérard ? Qu'est-ce qui se passe ? Gérard ? Oui. C'était quoi le site du disque, s'il te plaît ? C'est un petit Mickey d'Assy. Ouais. Avec un petit burin pour un caca dur. Voilà. Et je le répète pas constamment. Et on peut le trouver dans le commerce. C'est potable. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette histoire? Bon, troisième question. Vous avez compris la question? Non. Non, mais faut prendre les gens pour des cons, hein. Alors, aimez-vous les femmes à bijoux? À bouche, ma fille. Alors, vas-y. Ah oui, j'adore les femmes à bijoux, comme ça au moins, si tu veux, on passe le temps avec, quoi, on sait quoi faire avec, on achète des bijoux, et encore des bijoux, et puis voilà. D'accord. Quand on en a marre de baiser, ben, c'est les bijoux. Non, mais... Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, je suis d'accord. Qui est pas d'accord? Petite friandise. Vas-y. Écoute, moi, je pense que, sincèrement, les femmes à bijoux, je les trouve premièrement très coquettes. Ce sont de grandes coquines, et je vois pas... Je vois pas ce que ça a à voir là-dedans, quoi, ce que dit le garçon. Bon, celui qui s'amuse à rôter, reste poli ou il dégage? Ouais, s'il vous plaît. Oui, rôter poliment. Poli. Moi, je crois que j'ai trouvé la réponse à la question, c'est Start. Oui. Tu peux répondre? Vas-y. Je te remercie. Je crois que les femmes à bijoux, elles sont plus à bijouterie qu'autre chose, hein, quand je les vois. Dans quel sens? Bah, plus, je pense comme toi, hein, surtout. Non, bah, si tu peux pas répondre à la question que je viens de te demander... Mais si, bah, tu dis, aimez-vous les femmes à bijoux? Je te dis, plus à bijouterie. Mais je te demande dans quel sens? Le sens inverse, c'est celui d'une montre. Si je vais de l'avant et que je rencontre une femme à bijoux, j'y dis tri. Nous disons, pas une bijouterie. D'accord, je vois pas du tout le rapport. Aphroyde. Non, Gérard, c'est juste entre nous, c'est Aphrodite. Aphrodite! Je crois qu'elle est partie. Aphrodite, une fois! Non, mais je suis en train de la rappeler parce qu'elle avait un téléphone pourri, je suis désolé, Gérard. Oh non, mais attends, faudrait peut-être prévenir avant, hein. Bah, je suis en train de te le dire. Alors, Fanny? Ouais, les filles à bijoux? Les femmes à bijoux? Moi, je préfère les hommes à bijoux. Ah bon, t'as déjà vu des hommes qui portaient plein de bijoux, toi? Ouais. Bien absolument. Vous savez, justement, à ce sujet, c'est M. Mazur à l'appareil, qu'il existe des clips sexe pour hommes assez fabuleux. Avec plein de bijoux. Oh, Mazur, vous commencez à me les gonfler. Écoutez, sérieusement. Mais justement, si ça gonfle trop, n'accrochez pas de clip parce que ça risque de vous faire très mal. Bonne nuit. Comme ça, vous répondrez... À qui tu dis bonne nuit? À Mazur. Ah, d'accord. Attendez. Bonne nuit, Monsieur Mazur. Allez, hop. On a retrouvé Aphrodite, hein. Donc, Aphrodite. Oui, tu peux me répéter la question? Non. Est-ce que vous avez déjà vu des femmes à bijoux? Est-ce que j'ai déjà vu des femmes à bijoux? Oui. Ouais, ma mère. Ah, bah voilà. Ouais, mais comment elle est, ta mère? Je l'ai en face, là, elle est pas terrible. C'est-à-dire? 80 kilos, hyper grosse, pas belle. Ouais, voilà. Mais précise son nom. Celui qui veut en savoir trop, tout à l'heure, tu vas dégager au standard. Il y a mon téléphone aussi, non? Il y a encore Max Dadji sur Minitel qui nous dit que toi, les femmes à bijoux, tu t'en contrefous. Ce que tu préfères, c'est les femmes à lunettes. Je vois pas. Femme à quéquettes. Mais attends, si toi, tu commences à te taire, toi. Oh. Ouais, il n'y a pas de haut. Et donc, on nous dit qu'au Pakistan, il existe des cotons-tiges en or pour porter en bague. Alors ça, tu vois, cette merde-là, c'est pas la peine de les lire. Ok. D'accord. Pas de problème. Donc, Fildar, t'as quelqu'un d'autre à la place de Mazur? Ouais, Coussin d'Air, il a 25 ans, il appelle de l'île de la Réunion. D'où il appelle? C'est Coussin d'Air, à la Réunion. Ah, d'accord. Bonsoir. Ça va? Ça va. Edouard Merceau, la Réunion. Hein? C'est pas le thème du débat! C'est carrément l'hiver, là, en ce moment. Il fait 32 degrés. Écoutez, le début du débat? Non, je crois que c'était sur la Dorito créole, c'est ça? Tu vas déjà aller voir Fildark pour commencer. C'est un débat sur les bijoux, voilà, il le sait, maintenant on peut continuer. Non, c'est en raison du décalage avec la Réunion, hein. il y a quand même plus 12 chez nous. Ah, c'est mieux. Ouais, bon, Aphrodite. C'est toujours elle qui répond. Aphrodite! Oui. Bon, tu réponds à la question ou tu te réveilles? Non, au standard, c'est bon. Bon, tu peux la répéter? C'est Fildar au standard, mais c'est pas vrai. Fildar, tu commences à me les gonfler, hein. Non, il n'y a pas d'aller, d'accord? GG. Tu vas te réveiller ou sinon tu vas prendre la lourde. C'est Start. Je voulais savoir si toi tu tombais amoureux d'une femme qui portera jamais de bijoux, qu'est-ce que ça te ferait? D'une autre manière, une femme sans bijoux, c'est pareil. Hein. Tu peux y en acheter quand tu la connais bien et c'est tout. Ouais, mais généralement, tu vas en acheter où? Dans une bijouterie, mais tout seul? Et surtout qu'on peut faire, oui. On peut offrir des cornes oui. De rhinocéros ou d'éléphant. Il y a pas de rhinocéros à la Réunion. Oui. Le problème, c'est que. Mais en tout cas, là, ces petits bijoux là avec les écailles de cramouille, c'est vraiment splendide. Mmh. Donc Fanny, tu avais une question à me poser. Ouais. Sandy, c'est une femme à bijoux. Alors, je vais dire une chose. Elle va te répondre sur les bijoux, elle va pas te répondre sur ta deuxième question pourrite. Non, moi j'ai posé la première, pas la deuxième. Et puis d'ailleurs, on dit plus quéquette, mais bite. Hey, GG, c'est ça. Bon on laisse répondre à Sandy, s'il vous plaît, merci. Donc, je vais répondre à sa question à, je sais plus c'est quoi. Fanny. À Fanny, oui, je porte une gourmette et puis une bague. Ah ouais. Et Gérard? Moi je porte simplement un... Mon quartier? Non. Je porte une montre. Je porte une montre et une bague, c'est tout. Ouais, mais Sandy, tu voudrais pas que Gérard t'offre. Si par exemple, il t'offre un bijou avec ton nom, ça te ferait plaisir. De quoi? Si par exemple, Gérard t'offrait un bijou, mais qu'avec ton nom dessus. Bah, j'accepterais parce que je suis amoureuse de lui et puis je l'aime. Et toi, par exemple, c'est ce que tu viens de dire. Waouh! Ah bah bravo. Et même si c'était sur une chevalière, parce que c'est petit quand même, on peut pas voir tellement le nom là. Non mais sur une chevalière, tu fais graver les deux ouais. initiales, c'est-à-dire GS. Ouais. Ah ouais. Ça dépend de la taille ouais. du doigt aussi. Sur une chevalière, les voitures. Et pour la chevalière, il faut faire de l'équitation, c'est. Mais pour la chevalière, faudra peut-être que tu réfléchisses à ce que je viens de dire. Que les chevalières, il n'y a pas besoin de monter sur un cheval, espèce d'abruti. Ah, pourtant, moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a toujours dit, nous, ici, à La Réunion, on monte sur des chevaux pour porter des chevalières. Hein, c'est ça. Mais ça, c'est l'histoire ancienne. Ouais, c'est clairement de l'histoire. Hein. Donc, qui c'est qui voulait poser une question? C'est moi. Bah, elle est à côté de toi, la grosse. La grosse, ça t'emmerde. Exactement, je t'emmerde, connasse. Gérard. Excusez-moi, avant de vous poser les questions, on accueille Fleur d'Anus à la place d'Abou Machin. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, tout seul. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Gérard. Je t'écoute. Je vais te poser une question. Je voulais savoir, ne penses-tu pas que une femme avec plein de bijoux n'est-elle pas précieuse? Dans quel sens? Eh bien, prétentieuse. Oh, tu restes poli avec ta gueule, ta pétasse. Ouais, exactement. Donc, je te disais, Gérard, ne la trouves-tu pas précieuse, prétentieuse? Qu'en penses-tu? Oui, voire un peu pétasse en clair. Non, pas du tout, non. Non? Vous n'avez pas compris. Non, je vois pas du tout le rapport, là, avec la femme au bijou. Gérard, j'ai pas entendu la question, GG. Ça n'a rien à voir avec Sandy, c'est une question que je te pose. Une femme avec plein de bijoux, des colliers, des bagues, des bracelets, ne penses-tu pas qu'elle est précieuse? De toute manière, t'en vois souvent, hein, des femmes comme ça. Tu me laisses répondre, s'il te plaît, ou quoi, là? Non, mais je viens d'avoir une idée. Le bulldog, il t'emmerde. Quelle est ton idée? Je peux poser ma question, Gérard? Mais attends, toi, tu as déjà essayé de savoir qui c'est qui s'amuse à traiter les gens de bulldog. Ah oui? Ok? Ouais, probablement. Oui. Mais ça va être maintenant. Ah oui? Sinon, tu... La lourde. Dans quel sens? Et pourquoi? Est-ce qu'on peut mettre des bijoux à un bulldog, en fait? Non. Non, on peut, pourquoi est-ce qu'on peut pas? T'es vraiment une petite conne, toi, hein? Ouais. T'as rien à foutre que de faire des conneries. Bon, c'est Fleur d'Anus, est-ce que je peux parler de bijoux? D'abord, je suis pas un chien. Vas-y. Oh, tu travailles! C'est clair, ça, maintenant! Ouais, te laisse pas faire, Sandy, hein? Tu vas travailler ou quoi? Gérard, calme-toi. Ouais. On va éviter. Tu vas éviter de taper Fildar. Non, Fildar, tu dégages. Gérard. Gérard. Je m'appelle Sandy. C'est moi, Sandy. Bon, allez, moi j'arrête. Attendez les auditeurs, attendez 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu te démerdes avec lui là. Mais attends, mais lui. Mais tu te marres, Gérard aussi. Qu'est-ce son bordel? Qu'est-ce que c'est que ce merde là? Il laisse passer n'importe qui! Bah, tu la vires, elle! Ouais, bah, je vais la trouver, ouais! Ouais, tu vas la trouver, tu trouves rien! Bon! Connard! Non, mais c'est la haine, elle a raison, t'as parlé, t'as gueulé! Sandy! Parle ton micro, allume! peut-être Sandy qui fait du coup, on n'entend rien. Non, j'ai traité la fille de connasse, quoi. Bah, approche ton micro, qu'on l'entende, ce que tu dis. J'ai traité la fille de connasse. Eh ben, c'est très bien, mais attends. Non, mais toi, tu te démerdes. Ah oui, je l'ai trouvé. Mais vite fait. Ah oui, vite. Non, mais il y a Karine aussi hein, qui peut aider, hein, Gérard. Ah, hein, Gérard. Elle ne fout rien, elle ne fout rien, Karine, elle est nulle. Ça, nulle, 2-0. Elle est là pour glander ou quoi? Non. Attends, tu fais quoi là? Elle a les 24 lignes, on a dit. Tu fais quoi là avec le combiné ici? Connard. Demande-lui de prendre sur les 24 lignes, putain. Ouais. Ça commence à bien faire, fil d'art. Regardez l'heure qu'il est, il faut dire jusqu'à 5h, 6h, même, à mon avis. Karine. 6h30, je crois. Karine, tu me prends le. Tu me prends. Tu prends la ligne et tu me prends sur les 24 lignes. Fil d'art, t'as qu'à prendre Karine sur les 24 lignes, ça peut être sympa. Ouais, bah ça, je le sais qu'on sera pas arrivé jusqu'à 5h. Hein. On peut parler. Ah, qu'on n'est pas parti. Tiens, Gérard, j'ai une petite brève. On nous dit qu'en 1985, un Hollandais a fait monter la Joconde du musée du Louvre sur une bague, mais elle est tombée, elle s'est cassée la cheville. Qu'est-ce que t'en penses? Tes trucs comme ça, qu'est-ce que tu me parles des trucs comme ça? Bah, je sais pas, c'est une info. Hein. Ah oui, moi j'étais là, j'étais présent d'ailleurs, hein, j'étais en vacances là. Et dès qu'elle met du Saint-Paul à Paris, et c'est vrai que j'ai vu ça, c'était très impressionnant. Hein. Ouais, mais tu nous fais chier avec tes vacances. Oui, mais je sais, je te fais chier, écoute. C'est ce que tu veux que je te dise. Moi, j'essaie d'alimenter le débat, d'apporter des trucs, tu vois, un peu le soleil. Ouais, bah, plus tu l'alimentes le débat, plus il est gros et plus t'es gros. Oui, petit bisous, pépère. Petit bisous, pépère. Je veux plus le savoir, moi. Petit bisous, pépère. Ça me fait pas plaisir, ce que tu me dis. Oui, je sais. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, mais pose ta question, toi, meux. Ouais, si t'es pas content, tu retournes au standard, toi, ça me fera des vacances. GG, c'est Fleur Danus, est-ce que je peux répondre à la question? Vas-y. Donc moi, je voudrais parler d'un bijou que tout le monde connaît, c'est le cœur de l'océan. C'est un diamant que portait Kate Winslet quand elle était jeune. Titanic? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et donc, ensuite, quand elle était plus vieille, elle l'a lancé dans l'océan. Donc ça a fait le cœur de l'océan. Et j'ai vu ce documentaire au cinéma, et 17 millions comme moi l'ont vu. Et c'est un diamant qui coûte la peau du cul, hein, faut le dire. Bon. Et qui a été taillé dans une pierre selon Louis XVI. Ouais, c'est bien, précise ton nom. C'est Fleur Danus. Ah bah voilà. Ouais, mais t'as dit bon, hein. Gérard. Ah, c'est Élisée Moulinet. Allô, Fleur Danus. On se calme, Fanny. Fanny, ouais, tu iras chercher le cœur de l'océan pour samedi. Je paye ma dette à la société. J'ai que ça à foutre dans la journée. Attends, Élie, tu la fermes. Allez, au plaisir. Salut. Ça va vous coûter cher en production. Bon, Fanny, tu voulais poser une question? Oui, j'entendais là, le cœur de l'océan. Oui, c'est moi. Ouais. Mmh. Bon, Fleur Danus, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Allez, Gégé, tu dors. Hein. Gérard, tu vas le chercher pour samedi? J'irai mettre le... au bout du monde. Putain, on est envahis. Ah, c'est le bordel là, c'est le bordel. C'est quoi là, Fulard? C'est, je sais pas, je cherche. Ah ouais, tu cherches vachement là. Ah ouais, cherche la réponse. Oui, tu cherches vachement, t'es en train de marquer des numéros de téléphone pour faire chier le monde encore. Mais non, j'ai en 5 lettres, petit homme qui parle avec une voix bizarre. Eh, GG, tu peux poser la prochaine question, Fulard? Oui. S'il te plaît, je vais te dire une question. Le débat, il peut avancer là un peu. Non, mais Manu! Quand je suis au champ, c'est bien les... Oui, Gérard, je t'écoute. Ouais, t'essayes de voir parce que sinon tu vas pas faire la deuxième réa. Ben, et qu'est-ce que tu veux que je voie, moi je peux... C'est quelqu'un de la radio qui s'amuse. Je peux rien voir du tout là, Gérard, moi. Gérard, arrête de chanter et fais le débat, s'il te plaît. Donc, seriez-vous prêt? À quoi? À vous faire un piercing. Oui, mais un piercing, c'est pas un bijou. Non, c'est quoi, connard? C'est un bijou. Aphrodite, tu peux répondre, Aphrodite? C'est quoi un piercing? Ah, un piercing. Eh, celui qui se lave les dents va se laver les dents en dehors de... En dehors du débat. En dehors. Alors, Gérard, moi j'ai une question à te poser là. Vas-y. Je voudrais savoir, à ton avis, quand on a un piercing là dans la langue, est-ce qu'on peut se laver les dents? Oui, mais c'est quoi un piercing? C'est, tu sais, quand tu trous, en fait. C'est vrai, GG? Un piercing, c'est ce que les nanas se mettent sur le nez ou sur le nombril ou sur la langue. Ou sur une balle, et ça donne un coup de balle. Excusez-moi tout le monde, il y a une dépêche AFP qui vient de tomber et on vient d'apprendre que le dénommé Monsieur Gérard de Suresnes aura un piercing en forme de camion de 30 tonnes au bout du gland. Et l'information a été confirmée par la grosse Christine. Non, mais... Elle a des chanter. Gérard, je te donne la dépêche. Je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pour ça qu'il a du mal à marcher. Oui. Tu vas vers l'avant quand tu marches. Toi, parce que ça, c'est des trucs que vous avez fait cet après-midi. Non, non, elle est tombée, là, la dépêche. Non, oui, c'est ça, elle est tombée, t'as un connard. Et dis-moi. Et toi, t'es pas tombé du lit ce matin, non? Comme ça. Et quand on Gérard. Donc, on va demander à Fanny. Ouais. Fanny. T'as dit que le piercing, c'était pour le nom pour les femmes et pour les hommes, ça s'appelle comment? Non, pareil. Gérard. Pareil, ok. Gérard, Aphrodite, elle peut répondre? Non, mais attends, on va laisser finir Fanny. Vas-y. Ouais, moi j'ai vu que certaines. Oh, celui qui se mouche, s'il vous plaît, merci. Cela vous commence à me gonfler. Je sens que ça va pas durer jusqu'à 5h du matin comme prévu. Mais si. Non mais attends, tu fais quoi là? Tu t'amuses à quoi là, Pildar, s'il te plaît? Bah, au tennis? Ah ouais, au tennis, pour l'instant, t'es même pas capable de gérer un standard. T'es vraiment con, hein. C'est pas évident, hein. Tu t'amuses, toi, hein? Ah ouais. Ouais, t'es en train de gérer le standard quand on te demande quelque chose, t'es en train d'écrire. Donc, Fanny? Ouais, tout dépend de la personne, le look. Parce qu'il y a des personnes à qui ça va et il y a des personnes à qui ça va pas. Ouais, qu'est-ce qu'il dit n'importe quoi là? Non, c'est Karine au standard et elle a raison. Alors, moi je peux, c'est coussin d'air là. Non, il n'y a pas de coussin d'air. Non, mais Aphrodite, c'est juste. Elle peut répondre? Alors, Aphrodite. Alors. Bon, Manu, pardon. Je suis désolé, vraiment. Non, je te jure, je suis désolé. Non, sans déconner. Manu, tu commences à me les casser aussi, toi. Hein. Je suis désolé. T'es comme Pildar, vous êtes deux connards ensemble, hein. Pardon. Heureusement que j'ai désactivé, écoute, regarde. Vas-y, parle. Ouais, heureusement que c'est les vacances. Hein. J'ai désactivé. Hein. Est-ce que les connards peuvent se faire du piercing? Donc, on va demander à Aphrodite. Nos candidats sont concentrés. Aphrodite. Oui, alors moi j'en ai un au niveau du sein, on va dire. Nos candidats sont concentrés. Nos candidats sont concentrés. Et un au nombril. Hein. Donc, d'accord. Gérard, c'est Fleur Danus. J'aurais une question à te poser. Non, ben attends, pour l'instant, on va laisser continuer les gens. D'accord. Donc, petite friandise. Oui, écoute, Gérard, très sincèrement, moi je trouve que le piercing c'est ringard. Hein. Ah non, c'est pas vrai ça. Non, mais je peux continuer s'il te plaît? Moi je peux te dire, moi je vais te couper avant que tu conduises. Non, mais je t'ai pas expliqué, Gégé. Non, mais moi je peux te dire. C'est toi qui te la ferme, ok? Ouais, vous vous calmez là, toutes les trois là, sinon je vais en saquer une au hasard. Vas-y, Gérard. Non, mais quand vous me laisserez les auditeurs. Ben, ils sont là, les auditeurs. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Allez hop, réfléchissez à la question, moi je demande à Max qui vient ici. Non mais Gégé... Là tous les deux vous allez dégager. Non vas-y Gégé, vas-y réponds-moi. Donc, tu disais que c'était... Moi je dis que le piercing c'est ringard. Et pourquoi? Mais non, moi si c'est bien porté, non c'est pas ringard, désolé. Non j'explique Gégé. Explique Gérard pourquoi c'est ringard, après tu m'expliqueras Aphrodite. Non, bah, c'est pas Aphrodite, c'est petite friandise. Ah, bah, expliquez maintenant. Dans la vie, allez hop, vous me faites chier. Réponds, ouais. Oui, écoute, moi, sincèrement, je pense que les gens qui portent des piercings, c'est, je pense qu'ils veulent marquer une différence. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est comme. Non, mais là, c'est tous les deux. C'est tous les deux. C'est Karen aussi, hein. Ouais. Non. Elle est pas innocente, hein. Coupé, Gérard, il faut qu'elle explique, hein. Non, mais tu permets, il y a Max qui vient d'arriver, moi je commence à en avoir ras-le-bol des deux. Oh, ta gueule, toi! D'accord? Non! Moi je propose une chose. Non, mais cherche! Cherche, Fildar, quand est-ce que tu travailles? Moi je propose une chose. On va mettre le standard ici, comme ça Karine elle fait le standard et l'area. Non. Par contre, tu le vires lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et tu pues. Mais j'ai rien fait. Tu pues l'Adidas ou un truc. Ça sent. Lui. Ça pue depuis tout à l'heure là. Toi, tu vas dégager. Parce que qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai mis le 10, mais c'est le 10. Ah ouais. Et ça, tu t'amuses à quoi là? C'est tes auditeurs. Ah ouais, c'est les auditeurs. Regarde. C'est pas des auditeurs, c'est Fanny, tout ça. C'est ce que tu rappelles après. Ouais. Alors? Non. Donc, vous réfléchissez à la question. Non, mais attends, ça se passe bien, moi le débat, j'écoute, c'est un peu le bordel, mais ça va qu'on comprend. En tout cas, moi j'ai appris des trucs, je savais pas que le piercing, c'est vrai que c'est un bijou. Je suis d'accord avec Gérard, le piercing est un bijou. Voilà. Donc, on va reprendre la question juste après, on va s'écouter un petit poussé. Bon, mais attends, c'est combien? C'est toutes les 10 minutes, tu mets un disque? Toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures. Encore 5 minutes, on peut prendre une question. Bah, on laisse finir. Donc, petite friandise. Tu me le mets comme il faut, toi, le... Tu me mets le double son. Le double son. Ok, c'est parti. Je continue ma lancée, GG. Gérard. GG. Celui qui a du monde derrière se calme. Gérard, t'as un piercing au cerveau ou quoi? Attends. Oh non. Non, mais attends, cherche-le. Concentré. Va le chercher. Ouais, bah oui, j'y vais. Voilà, je réponds, GG. Bon, tu peux la laisser finir, Gérard? Ouais, s'il te plaît. Vas-y. On a vraiment rien à foutre des auditrices, hein, Gérard. GG, voilà, je continue sur ma lancée. Je pense que, au fait, ils veulent mettre une différence, quoi. Tu vois? C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mur. C'est comme s'ils voulaient dire, moi, je suis comme ça, et toi, tu es l'autre. Non, mais de toute manière, un piercing, ça vaut combien à l'heure actuelle? Tu comprends, t'as pas écouté. Je te demande combien coûte un piercing à l'heure actuelle. À peu près 1500 francs. Sans patate. 1500 francs. Alors, attends, attendez. Qui a dit 1500? C'est moi, 1500 francs suisse même. Qui, moi? Coussin d'air. Coussin d'air. Coussin d'air, 1500 francs, d'accord. 1500 francs suisse, parce que moi je connais une fille, elle s'est fait un piercing là sur le ventre, elle a payé 1500 francs suisse, et tout ça pourquoi? Pour aller draguer des acteurs de cinéma et rien ne marche. C'est ta copine, hein? Je peux te dire que là maintenant elle trimballe son truc. Coussin d'air, tu te calmes. Coussin d'air, tu te calmes. Tu peux citer son nom? Fleur d'anus. Ouais. Ah, je crois pas. Stoppy. Fleur d'anus. Ouais, donc moi j'aimerais te poser une question, j'aimerais savoir... Mais réponds d'abord à la question. On te demande le prix d'un piercing, Fleur d'anus. Le prix. Non, s'il vous plaît, pas tous en même temps parce qu'on s'entend plus, on comprend rien là. Ouais, c'est vrai. Je réponds. Non, les gens, Fleur d'anus. Fleur d'anus, combien? Bah ça dépend si c'est plaqué or, si c'est en or, si c'est en argent. Donne un prix, si c'est tout. Bon, Fleur d'anus, bonne nuit, allez hop. Qu'est-ce qu'il y a? Non, donne un prix, vas-y. Un prix, 2000. Voilà. Et c'est mon dernier. Aphrodite, moi j'en ai fait des piercings. Et bon, ça vaut entre 200, 300 francs, quoi. Ouais. Ça a mal été fait parce que des vrais piercings, t'en trouves pas à moins de 1200 francs. Fanny, n'importe quoi. Mais Fanny. Moi, je dis comme Aphrodite, c'est par là, normalement. Moi, personnellement, je l'ai fait 300 balles, quoi. C'est avec du métal chirurgical. Ouais. Non, mais moi, j'aimerais bien savoir le nom de la pétasse qui s'est fait un piercing sur le ventre. Le nom de la pétasse, ça t'emmerde, toi, connard. Ouais. Gérard, est-ce que je peux répondre? Moi, j'en ai au niveau du sein. Attendez les auditeurs. Petite friandise. Oui, écoute, entre 500 et 1000. Ouais. Donc entre 500 et 1000 francs. Ouais. Sur Minitel, on nous dit quand même entre 300 et 500 francs. Attends. Ouais. Qui c'est qui nous reste, Star? Ouais, mais t'es fait ou pas? C'est le directeur technique qui met des sons là. C'est lui, Gérard. Star. En euros? Non, enfin, abruti. Ça, tout à l'heure, tu es allé faire l'euro dans ton lit, toi. Ouais, mais pourquoi? Star deux fois. Pourquoi bonne nuit, tu j'ai vendu. Ouais. Bon, Gérard, je peux répondre? Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Tu vas faire l'euro dans ton lit. Non, c'était drôle ce que t'as dit, GG. C'était hyper drôle, non? Excusez-moi, faut que j'aille pisser, j'en peux plus. T'essayes de... Mais quoi, de savoir quoi? Moi, je sais rien, moi. T'as demandé de me virer Star, toi. Je sais rien, moi. Donc, moi, je voulais dire que j'ai un piercing au nez. Et je payais 200... Bah, elle est à côté de toi, la grosse? Je payais ça 200 francs. Mais la grosse, ça t'emmerde, connasse. Exactement, je t'emmerde. Donc moi, je voulais dire que j'ai un piercing sur le nez, j'ai payé ça 200 francs. Moi, tu vas te la fermer ou c'est moi qui vais te gerber? C'est pas mal, ça aussi. Je vais te reprendre. Oh, mais si t'es pas content, tu vas voir ailleurs. T'en as plein, Sandy, casse-la. Alors donc, personne n'a été capable de me donner entre 200 et... Entre 200 et 300, hein. Moi, je te l'ai dit. Enfin, moi, c'est ce que je vais payer. Aussi. Alors déjà, ça dépend si... Non, mais tu l'as payé 200 francs quand tu l'as fait poser. Ouais, quand je le fais poser. Moi, j'ai payé beaucoup plus cher, mais avec la pose plus l'anneau. Et après, effectivement, quand tu l'achètes, tu payes entre 300 et 400 francs. Mais il n'y a pas un prix exact, ça dépend des magasins dans lesquels tu vends. C'est remboursé. Ça varie. C'est remboursé par la sécu ou pas? Et puis, toi, tu l'as fait au nez, moi, je l'ai fait au nombril, donc c'est joli. Mais moi, je vais bientôt faire au nombril aussi pour faire plaisir à Gérard. Ah bon, pourquoi ouais, Gérard, ça t'intéresse? C'est pas comme ça. Je lui en ai parlé, puis je pense qu'il a. Et les auditeurs, 30 secondes, laissez-les répondre. C'est vraiment pourri. Mais toi, t'es vraiment pourri. Pétasse. Exactement, t'es vraiment pourri de toi-même. Ah, Gérard, donc ça te plaît, toi, les piercings au nombril? Explique-nous un bah, peu, parce que... C'est toi, la grosse? La grosse, ça t'emmerde. C'est pas grave. Gérard, tu peux répondre à... Bah, moi, si elle s'en fait un au nombril, moi... Ça, mais elle comprend rien, celle-là, ou quoi? Je crois qu'elle a oublié de se laver les oreilles ce matin, cette connasse. C'est le cas, on est tombé. Et donc... Mais Gérard... Oui. Je voulais savoir, mais moi je pensais avant que le prix dépendait de la partie du corps. Non, non, il n'y a pas... Non, du tout. Y a, ça n'a rien à voir avec la partie du corps. Si, c'est pas... plus cher au nombril quand même. Non. Comment non. Aphrodite, je... Mais, Gérard? Oui. Tu peux répondre, Aphrodite, moi j'en ai fait mais tu m'interromps pas, s'il te plaît, ok? Oh. Tu peux répondre? Gérard, une fois, deux fois. Non, mais je t'écoute, mais j'attends. Je voudrais bien savoir qui c'est ce connard qui s'amuse à mettre n'importe quoi. Ouais. Non, Olivier. C'est Olivier d'abord. Comme par hasard, il arrive dans le studio, les sons s'arrêtent. C'est bizarre. C'est louche. Ah, tu vois, il repart, ça reprend. Ça, c'est Max. Donc, Gérard. Non, non, c'est pas Max. Ben non, Max, c'est un bijou. Excusez-moi, à la place de Star, on accueille Monsieur Shaw Arty. Merci. À toi, Tilda. Tiens, Gérard, prends l'affiche. Vas-y, continue ton accueil de Gérard. Vas-y, tu peux l'accueillir. Bonsoir. Dans les débats. Bonsoir. Dans les débats du jeudi soir. Vas-y, Francky, c'est bon. Qui voulait participer au débat? Gérard, alors Gérard. Vas-y, Francky, c'est bon. Oh, le dernier arrivé, là, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. Bon, il va retourner au standard, lui, hein. Voilà, comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc, apprenez des Fanny, bon, ben, apparemment, vous êtes à peu près dans les bons tarifs. Ouais. Alors, l'autre. L'ordinus, non. Mais tout dépend de la grosseur du bijou, hein. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vraiment plus, ça. Qui dit maintenant. Mais non. Là, ça va pas crescendo, là. Bon, je pense que... Et tu peux répondre, toi, Gérard? De quoi? Réponds à la question. Non, mais quand celui qui sera amusé à mettre sa musique de merde... C'est Olivier Daprogue. C'est quand même vachement mieux que Michel Sardou, hein. Mais Michel Sardou, il t'emmerde, connard. Oh ben ça, je crois pas, parce que je l'ai rencontré personnellement, il m'emmerde pas du tout. Gérard, on va peut-être mettre un disque. Ouais. Hein, donc tu vas poser la question, et tout non ça, mais et tout on, ça. Non, on va rester sur la question du piercing. On va rester sur la question du piercing, ils ont pas tous répondu. Non. Ok. Un fil d'art, c'est quoi le disque, là? Donc c'est un petit poussé avec un stérilet à la poire du trône. Et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. Et voilà, vous venez d'écouter le petit poussin avec un stérilet à la poire du trône et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. Qui cartonne fort ce soir d'ailleurs puisqu'il y a 65 connectés en ce moment même. Ah ben, c'est bien ça, 65 connectés. Ouais. Faut qu'on tape la barre des 100 hein, ce soir, Gérard. Je crois que depuis à peu près 3 ans, mais je pense que ça va continuer. On en veut d'autres, hein, des déconnectés. Donc on va récupérer Coussin d'air. Ouais. Présent. Fanny. Toujours en direct de la Réunion. Fanny. Oui, je suis là. T'as qu'à mâcher, Gérard. Aphrodite. Présente. Petite friandise. Bonsoir. Schwarty. Tout à fait. Et qu'est-ce qui nous manque L'ordanus et Coussin d'air. Bah, non, je suis là, Coussin d'air, en direct de la Réunion. Florent-Denis, j'avais arrivé. Voilà, donc c'est bon. Mais Gérard, je voulais préciser sur mon nom. Oui. Tu peux m'appeler seulement Arty. Bon, non, mais c'est bon. Donc, on reprend vite fait la dernière. Donc, je vais abréger vite fait. Normalement, le prix d'un piercing, ça, personne ne pourra en démentir. Normalement, ça coûte entre 2 et 500 balles. Hein, non. Gérard, écoute-moi. Si tu payes ce prix-là, tu te fais arnaquer parce que il faut le prix d'un piercing, c'est 1500 francs. Ah ouais. Si tu le payes entre 200 et 500, tu te fais entuber vraiment. C'est des instruments non stérilisés. Hein. Absolument. Non. Tu vois bien que Sandy, voilà, elle a enflé. Attends, toi, Sandy, elle connaît avec connard. Ça n'a pas été stérilisé, faut pas déconner nos frères. Alors, tu dégages, Fleur d'anus, tu dégages. Fleur d'anus, tu dégages. Eh, ta femme, j'ai une affection, c'est pas possible. Ouais, et nous, on croyait que tu lui avais soufflé dedans, mais non, finalement. Tu me les calmes un peu, là. Merci. Donc, Mais Gérard? Gégé. Oui, je t'écoute. Penses-tu que les instruments pour faire des piercings doivent être stérilisés ou pas? Normalement, oui. Mais est-ce que tu penses que c'est bien? De toute manière, tu peux pas faire un piercing non stérilisé, ma petite. Bah si. Ah bah, bon. Alors si t'attrapes des boutons ou autre, c'est normal. Mais Sandy, oui, elle a fait. Ouais, mais ça a été stérilisé, hein. Mais Gérard. Non, les boutons. Gérard, elle a pas de boutons, connasse. Les boutons et Gérard, parce que Gérard. Moi, je suis étudiant, je sais Coussin d'air, je suis étudiant en médecine et je peux te dire que les boutons de Sandy, ça n'a rien à voir avec le piercing, c'est plutôt l'acné. Alors, excuse-moi, je peux te dire que moi, j'ai pas de boutons sur la figure. Non, mais peut-être pas sur la figure, mais tu dois certainement en avoir sur les fesses parce que tu. Bah oui, c'est ça, les fesses, c'est des fesses de bébé, c'est de con. Hé, connard! Connard! Ouais! Hé, connard de. Hé, fleur d'anus! Non, c'est coussin d'air. Hé, coussin d'air. Oui, Gérard. Je serais pas, j'irai m'en mettre un sur le bout de la queue pour savoir si c'est stérilisé. Que je vais me mettre quoi, une Sandy sur le bout de la queue? Non, tu iras te mettre un piercing en forme de taureau et un abruti. Ah bah oui, comme ça je pourrais faire concurrence avec ton piercing en forme de camion sur ta bite. Mais attends, avec un camion comme moi, je vais te dire, on s'amuse avec un camion comme toi, on se fait chier. Quatrième. Avant Gérard, Fleur d'Anus est parti, comme tu l'as viré, on accueille Kaira. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lascar. Non, attends, toi, Fulda, quand je te demande de me virer quelqu'un, tu me demandes pas de changer de nom derrière, non, s'il te plaît. C'est un trablot. Ça, c'est un trablot. C'est un trablot. C'est la banlieue. J'ai pas bien compris, c'est parti. Bon. Qu'est-ce que tu penses des piercings? Cinquième question, je m'en fous, mais je vous... Moi, je voulais dire que j'ai fait un piercing à ma Fatima, et pareil que ta femme, elle a enflé. C'est une infection, maintenant. Elle pèse 80 kilos. Donc, voilà, quoi, il faut pas... Ouais, comme ma mère, quoi. Faut pas faire ça. Ouais. Moi, je connais des trucs qui pèsent 200 kilos. Ouais, mais on va pas parler de ta Rome. Mais ma Rome, elle t'emmerde, ouais, connard. Ouais, Sandy, elle pèse 200 kilos. Et Sandy, elle t'emmerde. Je pèse 55 kilos. Ah, juste le bras droit, alors. Le métier de bijoutier vous attire-t-il? Comment? Ouais, comment tu te laves les oreilles, s'il te plaît, merci. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tirer par un bijoutier, c'est la question. Ah, est-ce que tu t'es fait tirer par une taupe, toi? Je crois que tu t'es fait tirer par un éléphant. Bah, réponds, Sandy. Sandy, elle va pas te répondre parce que c'est moi qui pose des questions. Le métier de bijoutier vous attire-t-il? C'est oui, comment? Bah écoute, il m'attire. C'est Arti. Oui. Il m'attire dans un sens plutôt positif. Parce que si je fais le métier de bijoutier, c'est que j'ai un métier. Bah oui, mais est-ce que ça t'attire? Est-ce que tu vois beaucoup de monde qui viennent t'acheter des montres, des bagues, des gourmettes, des chevalières ou autres? Des glaces. Des glaces, toi tu fermes ta gueule parce que tu allais réparer ta glace dans ta bagnole dans un bijoutier, toi, broutier. Ouais, Gérard, deux dans le bijoutier. Hein. Tu dis ça les attire, mais faut pas confondre les bijoux et les aimants non plus. Non mais je te pose la question. Oui. Donc est-ce que que t'es prêt à fabriquer des montres, des bagues ou autre? Bah par exemple oui. Ouais. En tout cas les montres, ça dépend à quelle heure. Gérard, en parlant de bijoux, j'aimerais savoir si c'est vrai que pour l'anniversaire Sandy, tu veux offrir une muselière en argent. Et toi, pour ton anniversaire, c'est ce qu'on va t'offrir? Ouais, samedi. Non, on va lui offrir une tétine. Comme ça, il fermera sa gueule toute l'année. Ouais, ouais, ouais, ouais. On l'a pas dit. Donc, Gérard, Fanny. Ouais, j'ai répondu, je crois, mais je peux compléter. Non, je demande à Fanny maintenant. Tu complètes. D'accord. Pas les bijoux, non. C'est pas tout. Ben voilà, en fait. Vas-y, vas-y, on t'écoute. J'ai demandé à Fanny qui réponde. Ouais, bah, sans arrêter de me couper, Comment ça, la femme, Fanny, on peut poser une question. J'en connais un tout à l'heure qui va se prendre un verre de café dans le coin du museau, bien bouillant. Oh. Il va comprendre sa douleur. Non, c'est toi. C'est toi qui s'amuse à couper les gens. Donc, Fanny, reprends, parce que j'ai pas tellement compris, parce que le fil d'art, il s'amuse avec le standard. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Le métier de bijoutier vous attire-t-il? Non. Et dans quel sens, pourquoi non? Non, parce que moi je préfère les porter que les fabriquer. Ah oui, mais si un jour tu te maries avec un bijoutier, tu seras bien obligé de voir comment qu'il les fabrique. Ouais. Mais pourquoi? Bon, toi avec tes pourquoi, tu fermes ta... Ouais, mais si tu veux, mais comment il les fabrique faire. Alors? Comment? Pourquoi? Ouais. Il fabrique quoi en plus? Aprodide. Ben non. Mais pourquoi non? Pourquoi non? Mais attends, c'est toi qui... Hey, tu veux faire les débats, toi? Ouais, j'aimerais bien, mais c'est pas le problème, non? C'est parce que je m'intéresse. Ouais. Non, mais oui, pour... laisse-le parler quand même. Ouais, c'est toi ton standard, Manu. Non, Manu, ça va pas être facile. Manu, il s'occupe de ça, Réa. Moi, je me... Manu. Bon, qui c'est qui s'amuse avec le téléphone? C'est moi. Manu. Oui, je suis là. Ouais, pourquoi tu t'intéresses? Même moi, je me demande à l'heure qu'il est là. Pourquoi je m'intéresse à ça? Ah, mais Gérard, t'as pas répondu à la question. Ouais, mais les auditeurs n'ont pas répondu encore. Bah non, tout le monde n'a pas répondu. Petite friandise. Oui, écoute, Gérard, très sincèrement, moi, ce métier me frustre. Et dans quel sens? pour moi, c'est de la frustration perpétuelle, continuelle. Ben, je vois. Mais dans quel sens? Ben, vers la droite. C'est-à-dire que... Comment t'expliquer, Gérard? Attends, petite friandise, parce que l'autre, il se marre comme un perdu. Non. Si c'est une question bidon, c'est pas la peine. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est Albert sur Minitel qui nous dit « Gérard a une diarrhée mentale, dès qu'il a une idée, c'est la merde. » Et ça te fait rire de dire ça comme ça à l'antenne, toi, connard. C'était pas moi. Non, c'est toi qui lis les messages Minitel. Donc, petite friandise. Oui, écoute, Jésus, c'est comme si tu adores le chocolat et que tu tenais un magasin de chocolatier. Il faut rien, Karine, regarde, elle dessine. Non, pour l'instant, Karine, elle est en train de chercher des gens pour le deuxième débat parce que je crois que ça va aller vite. Et Gérard. Karine, il paraît, elle est super bonne. C'est vrai. Bon, start. Gérard, j'ai pas répondu. Elle est debout, Karine. On paraît qu'elle est super bonne. C'est genre blonde. C'est chaud. Non, c'est. Moi, il y a aussi Star. Elle a un cumé. Non, Star. Oui. Non, chaud, je veux dire. Aussi. Partout. Oh, vous vous calmez, s'il vous plaît, maintenant. La question, c'était si je voulais. Le métier bijoutier vous attire-t-il? On se dépêche, là. Bah, non, parce que j'ai choisi une autre voie. D'accord. Coussin d'air. Coussin d'air, une fois. Le métier de bijoutier, comment te dire? En fait, non, pas tellement, parce que je trouve que d'abord le bijoutier, c'est le dernier à porter des bijoux. Là, les bijoux que lui il fait, tu les vois sur les CRS, tu les vois sur les routiers qui portent beaucoup de colliers et de petits diamants comme ça pour faire efféminer. Et je trouve que non, je préfère pas faire bijoutier. D'accord. Pose-moi la question, moi c'est Kaira, je veux m'intégrer. Vas-y, pose-moi la question. Pose-moi la question, pourquoi c'est quoi ça? C'est celui qui a remplacé Fleur d'Anus. Bah vas-y maintenant, réponds. Bah note-le. Tu me fais quoi là? Tu me fais quoi? Pose-moi la question là. Oh, tu parles correctement et tu réponds maintenant à la question. Ouais, moi je voulais dire qu'avec mon cousin Zoubir, on tape des bijouteries. Bon, allez. Bah attends, ça peut être intéressant. Vous rigolez comme ça? Vous foutez de ma gueule, c'est ça? Vas-y, on rigole pas. Tranquille. Je tape des bijouteries avec mon cousin Zoubir. Après, je peux penser à... Toi, ça te fait rire, à bout, connard. Bon, allez, c'est bon, c'est bon, ça y est. J'ai percé le feu, et ben fait, ouais, pour plaire à mon mec, je vais mettre un piercing sur mon nez. Je fais, ok, la grosse, te perce. Voilà. Ok, c'est tout, c'était une anecdote, voilà. Ah, c'est bien. Tu restes poli, t'arrêtes de roter, merci. Ouais, on rote pas dans cette émission. Vas-y, je rote pas, je m'intègre, c'est tout. Salut. Savez-vous comment sont fabriqués les bijoux? Oui. Mais t'as pas répondu, Gégé. Allez, toi, réponds. Moi, le métier de bijoux. Bon, Gérard, Manu. Bon, Gérard, Pildard, c'est la première fois et c'est la première et dernière que je te dis de me calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, tu te prends le café dans la gueule. C'est clair et net maintenant. Non, non, c'est plus vert de coca, là, on a zéro. Pourquoi t'es violent comme ça? Alors, t'es violent comme ça. Savez-vous comment sont fabriqués les bijoux? Oui. Qui? Oui. Moi. Oui, moi, donne ton nom. Coussinder. Vas-y. Tu prends, j'ai vu une fois un marteau et un burin, et tu tailles. Un marteau et un burin. Alors, pour toi, les bijoux, les alliances sont fabriquées bien avec sûr. Un marteau ah, et un burin. Bien sûr. Ah, bah, bien sûr, à la base. Ouais, non, mais attends, attends, allez, Coussinder, Coussinder. Je t'explique. À la Réunion, on a plein de plages avec des galets et beaucoup de réunionnais. Le week-end, ils vont prendre le marteau et le burin et ils fabriquent les bijoux à partir des galets qui sont sur la plage. Non mais attends, des bijoux ça en or. Ça donne des bijoux que qu'on vend dans les bijouteries les plus les Coussinder. Coussinder, je te repose bien la question. Est-ce que tu crois que les gens vont porter des bijoux oui. de galets? Oui. Mais écoute, bien sûr, s'ils sont assez cons pour les acheter, ils vont les porter, hein. Eh ben ça, il y a que c'est vous qui sont cons pour les acheter, hein. Ah ben non, je suis désolé. Attends, non, les réunionnais, ils savent totalement. Non, je parle par exemple des Français, spécialement. Ça marche très très fort, paraît-il, la Suresne. Et bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Non, mais moi, je peux te démentir non, que... Si, moi, j'y suis pour rien, si un pourcentage énorme de connards à Suresne qui achètent des bijoux qui sont taillés à partir de galets. Moi, j'y suis vraiment pour rien. Eh, tu sais que le pourcentage de connards qui habitent à Suresne, ils t'emmerdent aussi. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai vu un couple à Suresne qui avait des boucles d'oreilles en galets. Un couple. Un couple de deux. Mais cependant, c'est très élégant, hein, faut pas croire. Arthur. Ça même pas pour le français. Non, attends, si t'es pas content, toi, tu dégages. Toi, on va parler moi, français avec toi. Je parle aussi bien le français que toi et je t'emmerde. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Toi, je t'attends à la t-shirt, toi, tu vas voir. Avec mes attends, potes, tu m'attends à la t-shirt. Moi, va te faire sauter. Tu vas voir, toi. Allez, retourne chez toi. Moi, je suis une descente, je te nique. Moi aussi, je te nique. Ah, vous êtes pédé, alors. Allez, vas-y, Arty. Oui. Arty, pour toi. Alors, seulement pour moi et pas pour les autres, on peut cueillir des fleurs. Non, bon, alors, attends. Maintenant, tu vas me sortir qu'on fabrique des bijoux avec des fleurs. Bah écoute, on peut même manger des fleurs pour un repas. Hein. Ah bon? Ah oui, tout à fait. Écoute, les fleurs, on peut faire aussi... Ouais, c'est bon. On peut faire fleuriste aussi avec des fleurs. Ouais. Petite friandise. Écoute, Gérard, moi je pense que c'est la création. Hein. Un bijou, c'est à partir d'un dessin. C'est à partir je vous souhaite bonne chance. Gérard. Je t'écoute. Ah, j'ai été coupé là. Non, mais je t'écoute. Je veux dire, c'est de la création tout ça. Bah, mais dans quel sens? Mais c'est-à-dire que. Déjà, savez-vous comment qu'on fait pour fabriquer des bijoux? Oui, mais pourquoi? Bah, attends, pour l'instant, toi et ton pourquoi tu vas te la fermer? Mais je peux répondre. Moi, je te demande, est-ce que vous savez comment qu'on fabrique des bijoux? Oui, à partir de dessins. Ah oui, à partir de dessins, d'accord. Et... C'est comme un tableau. Oui, c'est comme un tableau. Oui. Et comment qu'on les fait? Bah, avec des outils. Oui. Mais la base, Gégé, c'est un dessin. Attendez. Oui. Je réponds à ma petite friandise. D'accord, c'est à base de dessin. Mais ça, tes dessins, je commence à en avoir plein le cul. On le sait que c'est à base de dessin. Ouais. Mais alors maintenant, je te demande, est-ce que tu sais... À part les outils et les dessins, comment que c'est coulé? C'est des grandes bassines avec de la fonte, tout ça, et non? Des douches. Non. C'est comme le chocolat. Bon, alors déjà, pour commencer... C'est comme à la télé. C'est comme où on prépare le pain, je crois, non? Vas-y, Gérard, pose-moi la question. Vas-y, Gérard, je t'écoute. J'en fais ma dégrée, moi aussi, vas-y. Donc, les bijoux sont fabriqués, on les coule dans un moule. Mm-hmm. Ouais, mais dans quel sens? Oh là, dans quel sens, tout à l'heure, tu vas voir dans quel sens qu'on retourne au standard, toi. Donc c'est fabriqué dans un moule, c'est coulé, c'est mis à 50 ou 100 degrés plus que le pain, et après c'est ressorti, c'est préparé par des personnes qui sont compétentes pour ça, pour faire ce métier-là. Et c'est eux qui les font, et les alliances à l'heure actuelle qu'on trouve dans les bijouteries, que ce soit les bracelets de montre ou autres, même les colliers, c'est eux qui les fabriquent. Et je peux vous dire une chose, qu'à l'heure actuelle, un bijou, si vous voulez vraiment offrir un bijou à quelqu'un que vous aimez, vous n'en avez pas pour, comme on m'a dit, même pour un piercing ou autre, à l'heure actuelle, si vous voulez payer un bon bijou pour quelqu'un que vous aimez, vous mettez à peu près 10 000 balles. Au-dessus de 10 000 balles, peut-être que vous aurez quelque chose de plus bien, mais ça va être très dur. Ça va peut-être les raisins avec. Donc voilà. Mais Gérard. Oui. Gérard. Mais Gérard, comment ça se fait qu'on fait des bijoux? Mais Gérard, c'est, on utilise quoi? On utilise des marteaux? Mais oh, téléphone. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Donc, pour cette histoire, on utilise des marteaux et on utilise des petits tournevis qui sont adéquates pour ça. Moi, je le disais tout à l'heure, à la réunion, on prend un marteau et un burin, tu voulais pas me croire. Oui, mais on prend pas un marteau et un burin pour toi. Bien sûr. Tu viens de le dire, on prend un marteau, tu viens de dire, on prend le marteau et le oui, mais ça, c'est pour tailler sur ce qui ressort du four, qui a été boulanger. Je parlais comme ça, écoute, non, mais franchement, tu vois, maintenant que j'ai raison, on prend le burin, on prend un marteau et puis on taille. Gérard, où on trouve les matériaux? Ah ben ça, les matériaux, c'est aux fabricants de bijoux de savoir comment qu'il fait pour les trouver. Oui, mais pourquoi? Non mais attends toi avec tes pourquoi et tes comment et... Mais pourquoi là, tu nous fais quoi toi? Gérard. Oui. Gérard, t'as dit tout à l'heure qu'on utilisait un marteau, mais est-ce que c'est le même que le marteau du menuisier? Non, c'est un marteau spécial qui est en bijouterie. Voilà. À ce sujet-là, je voulais dire aussi que moi j'utilise un marteau pour faire les numéros de mobilette. Parce que j'ai des potes. Je le vole avec mes potes. Bon allez, tiens-moi ça. Après je les retape et je les vends. Je dis bon, normal, je fais du commerce, moi aussi, putain. Je suis aussi français que toi, merde. Moi, je t'emmerde. Donc, faites-vous de l'allergie au toc. Ouais. Ah oui. Alors, attendez, je précise. Que ça soit le toc, l'argent, ou l'or, ou le plaqué. Ou le plaqué. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au plaqué or et à l'argent. Alors, Aphrodite. Oui. Alors, moi, je mets que de l'argent, donc je suis pas allergique. Non, je suis pas allergique. Non. Coussin d'air. Non mais attends, coussin d'air, tu laisses aller... Ah, je crois que tu as fini, Chouarty. Fanny. Oui. Coussin d'air. Coussin d'air, tu la fermes s'il te plaît pour la troisième fois. Non, merci. Demande à qui, Gérard? Demande. Fanny, voilà. Chouarty. Ouais, avec le plaqué. Oui. Je deviens rouge, mais... Non mais plaqué or, je te dis. Non, mais pose la question à Pierre. Tout ce je deviens rouge, quoi. Rouge, j'explose. Oui, mais... Dans ce cas-là, si vous avez quelque chose en plaqué or, je pense qu'à mon avis, ça va vous faire des traces noires. Pourquoi? Pourquoi noir? Ça, c'est quand tu t'essuies pas aux toilettes. Oh, toi, t'as des questions cons, j'y répondrai même pas. Non, c'est quand c'est en bronze, les toilettes. Bon. Aphrodite. Gérard, t'as pas 2 francs pour un café? Non. C'est pas marqué banque. Et 5 balles pour un coca non plus. Aphrodite. Et t'as répondu, hein? Donc, petite friandise. Oui, écoute, Gégé, c'est une question d'allergie. Donc, en fait, ta peau ne tolère pas un certain matériel. Mmh. Donc, je pense que c'est un phénomène chimique, quoi. Donc, c'est bactériel, tout ça. Hein. Mais oui, mais ça dépend si c'est... Mais ça dépend des bactéries. Déjà, une question que je vais poser à tout le monde. Et je pense que... Je peux répondre à la question, au moins. Bon, attends, tu permets, toi, s'il te plaît, merci. Attends, pourquoi, toi? Moi, je voulais dire que j'étais pas allergique au top, mais c'est les flics, ils ont culé, là. Ils me tapent avec des boutons. Ouais. Ok, je le calme. Vas-y, Gérard. Donc, c'était avec qui? J'étais avec... Donc, je voulais poser une question à tout le monde. Ouais. Donc, moi, je vais vous demander, est-ce que vous savez comment qu'on reconnaît de l'or au toc? Oui, moi, avec les dents. Coussin d'air. Vas-y. Bah, c'est-à-dire le doc, c'est un médecin qui fait de la radio. Et... Le toc, connard. C'est fini, vas-y, continue. C'est pas gentil de traiter cette question, connard. Bon, il est reconnaissable parce qu'il porte, je crois, un stéthoscope. Oui. Et quand tu es malade, eh bien, il vient, il te le met là sur la poitrine et puis voilà. C'est le toc et Rimmel. Donc, oui. Je répète. Le toc et Rimmel, moi je connais l'émission. Je répète. Tu connais, c'est bien comme émission. À quoi reconnaît-on l'or au toc? À sa voix. On le reconnaît à sa voix. Oh, oh. Bulldog. Le bulldog, il t'emmerde. Fanny. Il faut l'enlever là. Fanny. Ça commence à me casser. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas à l'antenne, c'est pour ça. Alors, je répète la question. À quoi reconnaît-on du toc, alors? À savoir. Fanny. Fanny avec du mercure. Non. Si. Non. Si tu mets du mercure sur l'or, normalement ça fond, sinon c'est pas sonné. Attends. Aphrodite. Alors, Aphrodite. Eh ben tu mets de la javel, c'est pas. Non plus. Pas de la javel. Non, petite friandise. Moi je pense que c'est une réaction chimique. Non donc, plus. Tu mords dedans quoi, je sais pas. Non. Bon. Gérard. Arty. Il y a une réponse sur Minitel. On nous dit que l'or c'est jaune, alors que le plaqué c'est jaune. Non, qu'est-ce qu'on pense? Il y en a aucun de tous les auditeurs qui est capable de me dire à quoi qu'on reconnaît l'or au toc. L'or, il est poinçonné. Ah, voilà enfin. Voilà enfin une question que j'attendais. Oui, moi je voudrais savoir, il est poinçonné par qui? Par un poisson. Par un poisson. Dessus, pour savoir si c'est... Oh, au lieu de te marrer comme un perdu. Bon, tu me le casses. Allez. Vas-y, Gérard, dessus. Donc, dessus, il y a un espèce de poisson. De poisson rouge? Non, c'est un poisson qui est dessus, et on sait si c'est de l'or ou du toc. Le toc n'est pas poinçonné, tandis que l'or est poinçonné par un petit poisson. Bravo. Okay. Et ça rime à quoi, les lilas, là-dedans? Gérard, c'est coussin d'air. Puisqu'il y a un poisson sur l'or, le vrai, c'est-à-dire que tu peux l'acheter qu'en avril. N'importe quoi, toi. Je m'y attendais à cette question. Non, réponse. Je m'y attendais, de manière, je vois pas le rapport avec un poisson d'avril sur une alliance. Hein. Pourquoi? Ouais. Non, il n'y a pas de pourquoi, parce que des poissons, d'accord. Comment ça, dans quel sens? Ouais, vous commencez à me les gonfler. Hein. Dans quel sens aussi? Je voudrais raconter une anecdote qui m'est arrivée. Dans ma banlieue. Il y avait un mec qui m'avait demandé 100 lagots d'or. Et ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai refourqué 100 lagots de toc. Et le mec me recherche partout, jamais il me trouvera. Jamais. Avec mes potes, on a tout refourqué, on a blanchi l'argent. Ça y est, t'as fini la... Non, j'ai fini, je t'en... Mais comment tu as fait pour blanchir de l'or? Ouais, c'est-à-dire que moi, je fais appel à des fondations. Ouais. Notamment la fondation Fun Radio. Ouais. Qui blanchit l'argent. Et tu reprends le débat, c'est toi le chef. Bah oui, donc, c'est toi. Hey, tu m'arrêtes quand tu veux, je veux dire. Pour l'instant, si tu te. Non, mais c'est bon. Pharma, tu vas pas te la prendre comme ça, quoi. Je veux dire, tu m'arrêtes et puis voilà, je m'arrête. Bon, bah, tu te tais, c'est tout. Ok. Alors, pensez-vous que les bourgeoises en font trop avec leurs bijoux? Comment? Bon, celle qui s'amuse à prendre son pied quand je pose des questions, ça vaudra mieux. Tu les excites. C'est ma femelle en principe. Ah, c'est vraiment une petite cochonne, celle-là. Gérard. Alors démonstration. Vas-y, pose ta question, là, qu'est-ce que t'attends? Gérard, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Pensez-vous que les bourgeoises en font trop avec leurs bijoux? On comprend rien, Gérard. Je sais pas ce que tu lui fais, mais tu lui fais bien, ou pas, hein? Gérard. Tu travailles! Petite merde! Mais elle meuf, elle jouit, j'y peux rien. Toi, tu as travaillé. C'est pas grave si je me suis endormi, quoi. Ouais, tu as travaillé tout à l'heure, tu vas voir. Gérard, excuse-moi. Oui. Gérard, c'est coussin d'air. Je voudrais juste savoir, est-ce que tu pourrais demander à la jeune fille qui jouit là, de continuer parce qu'il faut que je me finisse là, hein. Ouais, ben tu vas te punir qu'on va faire la conclusion. Alors putain, c'est le directeur du son là. Il fait rien. Directeur du son, lui, dit. Le bordel, là, c'est quoi ça? Donc, conclusion du débat. Mais non. Conclusion, c'est moi qui commande, je retape le deuxième à 2 heures. Conclusion. Ça va être une super conclusion, il y a 25 minutes de conclusion. Le prochain, il n'est pas à 2 heures. Mais là, à quelle heure? Il est tout de suite. Donc, conclusion. Les bourgeoises. Allez, oh! Gérard. Tu peux répéter la question? Les bourgeoises aiment-elles les bijoux? Voilà. Bah, tu peux la répéter toi-même, s'il te plaît. Non, mais t'as très bien compris. Non, maintenant, ah, c'est ça? Bon, et conclusion, parce que vous me prenez la tête. Non, attends, toi, tu as déjà commencé par te calmer, parce que ça commence à bien faire que tu coupes tout le monde aussi. Ouais, moi, je voudrais répondre... Elle est trop, lui, elle était aidée, hein, pour avancer au débat. Hein. Je voudrais répondre à la question. Moi, j'aime pas les bourgeois, moi, je les dépouille. D'accord, ok, c'est bien. Alors, ça, c'est ta conclusion. Ouais, coussin d'air. Alors moi j'aime bien, je vais te dire, parce que on est très chaud nous ici à La Réunion. Ouais. Moi j'aime bien les bourgeoises quand elles sont couvertes de bijoux et qu'elles sont complètement à poil et que tu les prends pas derrière et ça fait cling cling cling. D'accord. Excuse-moi. Coussin d'air. Ouais. Tu crois pas qu'on ferait mieux de leur mettre une cloche au cou pour comme ça on pourra les suivre de plus loin? Ah, tu veux, ça c'est une c'est con parce que Pâques est passé mais on oubliait des cloches, hein. Ah bah ça c'est vrai, Gérard. Il y a des cons qui sont partis mais les cloches elles sont restées comme au standard, hein. Excuse-moi, t'as pas écouté, c'est dommage. Excuse-moi, monsieur de la Réunion, t'es où? T'es dans le 95, c'est ça? Bon, allez, conclusion, s'il vous plaît. C'est où ça, la Réunion? La Réunion, c'est dans le département 974. Ok, d'accord. Donc, c'est pas du tout dans le 95, comme tu me viens de dire. Je sais pas. La Réunion, c'est en Afrique. À quelle heure? Je connais que la banlieue. Allez, conclusion. C'est qu'à leur tour, allez. Fanny. Conclusion, bijoux, super. D'accord. C'est tout? Bah ouais. Eh, je vous signale que c'est la semaine prochaine, on va faire un débat sur l'amour. Ah. Alors faites-moi confiance sur l'amour, vous allez en prendre plein vos oreilles. L'amour avec du poil autour. Wow. Il y a l'amour avec du poil autour et l'amour sans. Et faites-moi confiance que là, je vais vous poser des questions sur les positions. Vous avez intérêt de vous réveiller parce que ceux qui vont pas vouloir réagir vont gerber sec. Ah ouais. Donc, Fanny, ta conclusion, t'as dit l'amour, c'était bon. Les bijoux, c'était bon. Ça y est, déjà, il y est, là. Donc, pourquoi débat sur les bijoux? Allô? Mais tu parles à qui? Tu parles à qui, là? À Fanny. Elle vient de répondre, on en a Aphrodite, là. Alors, Aphrodite. Alors, je veux dire que le débat était nul. Nul, là-bas. Passer le bonjour à Mickaël, David. Non, c'est bon, t'es bonjour, bonne nuit. Alors, petite friandise. Oui, écoute, débat fort intéressant. Le monde des bijoux est fascinant. Et je trouve que Gégé, tu as mis de la lumière dans ce débat. D'accord. Voilà. Artie. J'ai bien aimé le débat, alors pourquoi? Bah oui, dis pourquoi. D'accord, alors petit A, parce que toi t'as été excellent, parce que tu nous as appris d'où venait la différence entre le plaqué, l'or, le toc, etc. Ça c'était pas mal. Mm-hmm. Petit B, parce que les meufs, pour une fois, elles étaient elles participaient. Ouais. Petit C, parce qu'il n'y a pas eu trop d'habituels. Ouais. Petit D, parce qu'on n'a reconnu personne. Et petit E, maintenant c'est bon, on a compris ta conclusion. Poussin d'air. Oui. Poussin d'air. Oui, c'est à moi. Écoute, moi je suis ravi par le débat sur les bijoux. Et j'aimerais ajouter, comme je viens d'une île où la population créole est quand même représentée en majeure partie, que les bijoux c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ouais, bah ça... Avec moi, c'est bon, non, bon. Non. C'est bon. Non, mais bon ça, allez, coussin d'air. Un bijou dans le cul, tu verras, ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Coussin d'air. Coussin d'air. C'est bon, Qu'est-ce que tu nous fais? C'est bon, tu me calmes le coussin d'air maintenant. Qui c'est qui nous reste? Kaira. Et qu'est-ce qu'il nous a fait, la coussin d'air? Il a chanté. Ouais, moi, je voudrais faire une case dédiée, là, à tous mes topos de Sarcelles. Ouais. Et je voulais dire que si jamais il y a quelqu'un qui veut acheter des scooters... Ouais. On s'en fout, Kaira, on veut une conclusion sur les joubis. Sur les joubis? Ouais, les joubis. Ouais. Putain, là, tu me colles, là, reculé. Il n'y a pas d'enfilé. Alors les... On dit pas putain. Les bijoux, moi je les tape, moi. Donc, il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Si jamais il y a quelqu'un qui veut des scooters ou des joubis... Ouais, ben c'est bon. Il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Puis j'embrasse tout le monde. Ouais, ben moi aussi, on t'embrasse. Allez, donc, conclusion, bon, ben... La tienne. Conclusion, donc, je pense que j'ai pu donner des renseignements sur les bijoux. La fabrication, comment ça a été fabriqué, comment qu'on reconnaissait de l'or et tout. Jacques. Donc, c'est pas évident, parce qu'avec un abruti qui dort au standard. Donc, sinon, je pense que le deuxième, on va essayer de le mener aussi bien que le premier. Et là, c'est sur la chanson française. Alors donc, comme on en a un qui venait de l'île de la Réunion, j'espère qu'on va pouvoir finir. Et puis on va pouvoir lui faire plaisir. Une chanson de là-bas, Bleur. Ouais, voilà, une chanson. Ouais, donc on va demander, à Miss, là, si elle pouvait faire sa conclusion, si elle est d'accord avec moi, comment est-ce qu'on fait fabriquer les bijoux. Ma conclusion, c'est que j'adore les bijoux, moi, et puis j'adore en porter, et puis que le débat, il était bien. Non, mais est-ce que t'es d'accord avec moi de reconnaître de l'or au toc? Bah oui, je suis d'accord avec toi, on peut reconnaître avec un poinçon. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais savoir. Merci, donc il n'y a pas de quoi. grâce à toi, on a encore avancé un peu plus dans, le, dans la conclusion, on est d'accord. Bah, grave, grave. Donc, l'heure, donc on va s'écouter. Ouais. Manu, tu mets un... Merci. J'ai rien fait. L'heure, donc on s'écoute l'heure avec une montre, c'est mieux pour avoir l'heure, c'est simple. Alors là, j'espère que c'est un bon titre, ça s'est signé Fildar. Et donc le deuxième débat, c'est sur la chanson française. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours le 3615. Code Pan Radio, rubrique directe.